Chapitre 5. D'autres débris furent retrouvés, soit dans les parages du Toulinguet, soit à Molène et à Béniguet. On croit que, sous le voile de brume, les lames se soulevant brusquement, la Marianne n'aura pu être dirigée par Hervé et aura été se briser sur ces dangereuses pierres noires, où il avait déjà failli trouver la mort une première fois. Pierre Guivarc accueillit avec une philosophie fataliste de vieux marin la certitude de la mort de son neveu. Mais en même temps, quelque chose, au fond de son sang celtique, lui laissait un doute sur ce revenant, qui était venu apporté par une tempête du large et qui disparaissait dans une tempête sous la nuit brumeuse des côtes de Bretagne. Pour les gens de Camaret, il en avait été de ce compatriote qu'on n'attendait plus, comme de l'individu fatidique rencontré par hasard, qui devient, sans raison apparente, le malheur ou la joie de votre vie. C'est le typhon terrible qui ira là ou ici, brisant ou épargnant le navire trouvé sur sa route. Le bonheur, la vie de tonton Corentin avait failli y succomber. Il fut si mauvais, si troubleur de paix durant ce court séjour à Camaret, que plus d'un parmi les anciens, surtout Balanec, soutient encore que ce n'est pas Hervé Guivarc qui est revenu d'Australie, mais quelque méchant esprit ayant pris sa forme, un intersigne, et que l'autre, le vrai, le petit Mousse est bien mort dans la mer polynésienne lors du naufrage de la Proserpine. Au cimetière de Camaret, à côté des croix noires portant le nom des Guivarc, se dresse toujours la petite croix blanche qui a gardé sa suscription primitive. À la mémoire de Jean-Marie Hervé Guivarc, âgé de 13 ans, péri en mer le 13 octobre 1867. Priez pour lui. Qu'importe que son corps soit là-bas, au milieu des récifs de corail, ou ici, dans les écueils noirs de la sombre mer armoricaine. C'est toujours sur cette petite tombe d'enfant qu'Yvonne vient apporter ses bruyères, ses ajoncs et ses églantines. Sans reconnaître son frère dans ce douloureux et inquiet revenant, elle aura été comme une bonne fée veillant sur lui, le calmant, apaisant cette âme troublée, ce cœur en révolte. Mort ou vivant, la petite fleur embaumée des landes natales sera venue l'envelopper de sa frêle caresse, de son léger et doux parfum. Elle est restée la fleurette sauvage que balait la rafale furieuse de l'Atlantique, sans trêve ni repos. Chaque fois qu'il y a tempête au large, chaque fois que les grandes lames se brisent contre les murailles de granit du Toulinguet ou de Penhir, c'est elle que l'on voit errer dans les dunes de Penrhat, le long de la grève battue par l'océan. Elle égrène ses chansons, ses légendes et ses plaintes, attendant toujours le cadavre roulé des flots du petit Jean-Marie Hervé, son frère. C'est l'âme poétique, l'âme mélancolique et mourante de la vieille Bretagne qui s'en va toujours.